Je la rencontre régulièrement, Marido Fréval, qui est une femme de théâtre, une femme de mots, une anarchiste, une alter ego. Alors, voici Madame Marido Fréval. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait le gaz citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil bras. Mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier, poil au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mourons, pas bon. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux. Mais les oiseaux n'en achetaient pas, ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond poil au pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Comment ça va? Désolé. Ah non, il n'y a pas de problème. J'ai eu des problèmes avec... On était en spectacle hier et du coup, il y avait des histoires de poulets de camion. J'ai rien pour faire. Okay. Non, il n'y a pas de problème. Désolé. Ah non, aucun problème. Aucun problème. Toi, ça va? Malgré tout? Oui, ça va. Oui. Je sais pas... Qu'est-ce qui s'est passé avec les clés? La personne qui devait décharger... On n'avait pas les clés, je suis obligé de retourner, moi, chercher des clés à un endroit. Il n'y avait que moi qui avais la clé de l'endroit où étaient les clés. C'est l'enfer. Et voilà. C'est l'enfer. Ça s'est pas bien terminé? Tu veux, c'est pas... Hein? C'est pas dramatique, mais c'est bon. Et après, ouais. Paris, c'est très grand, donc tu... Ouais. Voilà. Et puis, on s'est vu il y a 2 ans et demi. 2 ans. En juillet 2019. 2 ans? Ouais, à peu près. 2-3 ans. Je crois 3 ans. Trois ans, parce que... Ouais, 3 ans. Ouais. T'as fait ton projet sur les vieux. Ouais. Ouais, j'ai suivi ça. Ouais, c'est ce qui se jouait là hier et avant-hier. Ouais. Et puis comment les gens accueillent ton nouveau projet? Bien, super. Super, super. Là, si tu veux, il y a eu... Bon, c'était long parce qu'avec la période, arriver à créer. Donc, à un moment donné, on était très libre et puis après, on n'était plus libre du tout. Alors, tu vois, c'est des rythmes complètement en dents de scie. Mais bon, au final, je suis très très contente. Mais j'avais essayé de travailler un peu autrement, tu vois. J'avais déposé l'écriture déjà dans un livre. Et après, il s'agit de savoir ce que je. Comment je faisais le spectacle de ça. Ouais. C'était pas écrit vraiment comme un spectacle. C'était écrit comme une nouvelle ou... je t'ai apporté le texte. Oh, ok, merci. Très intéressant. Le petit cadeau. Oh, merci, merci. Alors, attends. On s'est mis dans une enveloppe, mais l'enveloppe n'est pas adaptée. Non. C'est pour le protéger. Et les gens l'accueillent avec joie ou avec étonnement? Avec... ils sont assez... Il y a des choses qui sont drôles parce que c'est un peu... Il y a un côté cocasse, tu vois, de... Et puis, il y a de la musique, il y a de la manipulation d'objets. Donc, c'est... C'est psychothérapeutique. c'est un objet un peu non identifié, tu vois. Parce qu'on attend des choses, la représentation de la vieillesse, tu vois. Là, il n'y a pas de vieux vraiment. Personne ne joue le vieux. C'est uniquement évoqué. C'est la parole qui dit et des images. C'est, chacun se fait ses tableaux, il refait les... Donc voilà, donc c'est... La musique est super intéressante, c'est un jeune qui vient... Lui, il vient unique du jeu vidéo au départ. Okay. Autiste total, dans sa tête. Ouais. Mais du coup, il trouve des harmonies, là. Complètement incroyables. Et donc, c'était au départ aussi super difficile à chanter, parce qu'il n'avait jamais vraiment écrit pour des voix. Enfin bon, c'était tout un chemin, mais au final, c'est super, parce que c'est que des personnes un peu étranges qu'il y a sur scène. On est quatre, tu vois. Il y a le musicien qui est en jeu, du coup, il fait un personnage. Okay. Celui qui a construit, qui, à mesure que le projet avançait, il me dit, mais moi, Marido, je veux du texte aussi, je veux... Ouais. Je dis, ok, mais je lui dis, tu sais, toi, t'es brésilien, t'as un gros accent. Moi, le texte, tu sais, je suis un peu maniaque. Du coup, il a bossé comme un malade. Enfin, tout ça est joyeux parce que chacun a fait des choses dans ce spectacle qu'il n'avait jamais fait. Alors, c'est un peu périlleux parfois, mais je trouve que ça le fait bien. Ça fait que du coup, Ouais, c'est un univers en soi, quoi, je sais pas comment dire. C'est un peu étonnant, mais on sait prendre aussi, il y a des choses très sur l'émotion, parce que forcément, c'est non seulement la vieillesse, mais les vieux qui perdent la tête et qui sont dans la dernière période de leur vie. Donc tu vois, c'est pas le youp, la boum, mais la vie, c'est la vie. À tout moment, tu es vivant. Ouais. Mais à quel prix ? Moi, j'ai écrit sur ça, sur le fait qu'on était vivant... à ce moment-là. Mais comment tu peux écrire des personnages qui souffrent de démence ou d'Alzheimer? Comment tu peux te placer dans ce rôle inquiétant? Bah, tu sais, j'ai fait des séjours en EHPAD, tu vois, j'ai monté des projets avec les vieux. Non, mais qu'est-ce qu'un vieux? Qu'est-ce qu'un vieux? Si tu veux, là, c'est des personnes qui sont en EHPAD. Nous, c'est l'institution de maison de retraite. On dit plus maison de retraite parce que c'est plus la retraite. Ouais. C'est après la retraite. Ouais. Quand tu peux plus vivre autonome. Et donc, ils sont là et ils attendent de façon plus ou moins dynamique leur mort. Je vais vous passer ou pas? Non, c'est bon, ça. Comment ça, je ne passe pas? Ah non, mais moi, je ne... C'est rigolo. J'ai pas vu qu'il y avait des embûches. Non, c'est rigolo. Okay. Donc, alors tu t'es rendu sur place pour examiner, pour... Oui, j'avais fait beaucoup, beaucoup de récoltes, toi, de plein de matériaux. Ils ont écrit, on a aussi... J'ai des techniques d'improvisation. S'il vous plaît, je vais peut-être prendre, bonjour, je vais prendre un double café. Oui, et un verre d'eau, s'il vous plaît. Pas de soucis. Vous mettez la lumière à cette heure-là. Je mets la lumière importe. C'est vrai? Là, c'est au minimum, je suis à zéro. Nous ne sommes pas assez 10%. Le café, il faut voir qu'il a lu. Ça va, les mamies? Ils sont partis. Oh. Ah, mais c'est gentil, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais tu vois, les gens sont très gentils. C'est vrai. Ben, oui. En général. Si on les prend du bon côté. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut savoir, ouais. C'est pas gagné parfois. Non, ouais. Mais ça dépend des journées aussi. Hein? Ça dépend des journées quand on se lève du mauvais pied. Ouais. Alors. Bonjour. J'ai passé commande au jeune homme, mais je peux vous le redire. Ben, il est parti chercher les dames pour donner la casquette. Moi, je veux bien donc un double café. Un double express avec un verre. Voilà, super. Je sais que c'est un jeune homme. Un jeune homme de 50 ans. Bon, sympa de dire, il ne faut plus dire mademoiselle, tu sais. Non, parce que c'est une discrimination. Oui, c'est ça. Moi, je peux dire jeune homme ou pas? Oui. Ça, on ne dit rien, là. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus dire grand-chose sans que les gens soient vexés. Hein. C'est ça. Oui, moi, je dis des choses. Faut pas avoir peur. Ah non. Et puis, en se rendant sur place pour examiner un peu ces gens-là, pour se mettre dans le bain, qu'est-ce que tu as vu qui t'a surpris ou qui t'a dérangé? Ben, on reçoit un poids très lourd du vivant, tu vois, très très lourd. Et moi j'arrivais avec toute une équipe, donc on était dans une forme de dynamique. J'étais pas statique, j'étais pas juste dans une position de me rendre compte. Je me demandais justement qu'est-ce qui restait de vivant, tu vois, qu'est-ce qui leur plaît encore, quels sont encore leurs rêves, quels sont le... Déjà savoir, est-ce qu'ils ont des rêves? Oui, ils ont des rêves. Oui. Ouais. Quand ils ont des rêves, ils ont des pensées secrètes, tu vois, ils n'expriment pas beaucoup. Après, quand ils sont très désaccordés avec la mémoire, ils disent quand même des choses, tu sais, plein de choses. Ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur d'intelligence. Il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Goût record d'athlète, je pose ma main sur son gros bras que marre. Rive-t-il, ça fait-il, il me susurre le curieux refrain. Tiens, voilà du boudin. Et puis en roulant les airs, oh le grand Nico, il me dit je vais te faire le fameux coup du légionnaire et du sable chaud. Dans la légion étrangère, j'aime son heureux caractère. Toutes ses affaires, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut. Que mon Marcel, ça n'est qu'un manuel. Elles connaissent rien, y a pas que ses mains qui font des choses bien. Puis d'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de savoir qui est Marcel. Dans mon Marcel, il me harcèle. Marcel me harcèle. C'est comme s'il avait deux vies. N'est-ce dont j'ai envie? Je dirais même qu'il a six vies. Goureux appétit que je jurais parfois qu'il a dix vies. Qu'il a divinement fait tout ce qu'il faut faire pour mon compte. Oui, mon contentement, il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Goût record d'athlète, j'aime son heureux caractère, toutes ses affaires, et c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour. Comprends qui peut ou comprends qui veut. Et puis, il y a des images qui sont très fortes. Par exemple, j'ai écrit tout un acte où ils sont devant la porte. Et il y a toujours des vieux, il y a une porte, ils n'ont pas le droit de sortir. Et ils se mettent là. Et il y a toujours des sièges, parce qu'ils peuvent passer toute la journée. Donc, je vais, voilà, parce qu'ils attendent que la porte s'ouvre. Ils attendent de sortir, de partir. Après, ça devient plein de choses. Mais tu vois, des images comme ça, moi, ça me... Pour revenir chez soi, pour revenir à la maison. Il y en a qui croient encore qu'ils vont revenir chez eux. Ceux qui ont un peu perdu la tête. Il y en a qui croient qu'ils viennent d'arriver. Alors que c'est tous les jours qu'ils viennent d'arriver. Ça, c'est peut-être une combine. Ma grand-mère, elle faisait ses valises constamment. Ouais. Puis donc, on la cherchait. On la cherchait tout le temps. Mais oui, c'est ça. Elle était fugueuse. Ouais. Ouais, c'est une fugueuse, elle. Ouais. Merci. Merci. Et ma mère, elle, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Elle a dit la survie. Triple démence, c'est l'Alzheimer. La survie. Il y a des phrases comme ça. J'ai dit, est-ce que tu peux me nommer les quatre saisons? Elle dit, l'été, le printemps, l'été, l'automne et janvier. Ouais. C'est difficile pour elle et c'est difficile pour les gens qui sont autour. Oui, alors après, ils ont des comportements. J'ai beaucoup lu avant aussi sur toute situation d'enfermement. Et il y a toujours les mêmes comportements. Tu sais, il y a 4-5 postures quand tu es enfermé. Soit dans les prisons, les couvents, les hôpitaux psychiatriques et les maisons de vieux, là, les EHPAD. Et on retrouve, tu vois, les personnalités. T'as celui qui va être toujours grincheux, toujours râler. C'est une posture. S'il perd ça, il perd tout. T'as les grands solitaires qui s'excluent complètement, refusent même le contact, refusent parfois de parler. Après, tu as les bouts en train. Après, tu as ceux qui entretiennent des choses de l'ordre de la parano, tu vois, les esprits qui se méfient en permanence du règlement, ils sont très sur le règlement, sur tout ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils sont tous. Mais moi, ce qui m'avait étonné, c'est qu'au début, ils sont tous endormis parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se réveiller, parce que ce qu'on leur fait faire n'est pas intéressant. Il y a des activités, mais ces activités occupationnelles. Moi, je dis toujours, si on me demande de marcher sans savoir où je vais, bon, soit je décide de partir, moi, toute seule, à l'aventure, et c'est mon problème, parce que dans ma tête, je sais quand même que je vais aller quelque part, et que c'est ce quelque part flou que j'ai décidé de vouloir aller, ou vouloir aller. Mais si on me dit, Marido, tu vas marcher de telle heure à telle heure, comme ça, sans raison, je ne vois pas l'intérêt. Donc, si tu veux, tout est comme ça, tu vois, et long. Et nous, quand on a fait un projet, tu vois, comme ça, sur plusieurs semaines, et moi, je me disais, mais comme ils perdent toute la tête, la mémoire, la notion du temps et tout, quand on va revenir un mois après, parce que c'était une semaine, est-ce qu'ils vont se rappeler? Eh bien oui. Parce qu'on avait fait des trucs forts. C'était, ils ne se rappelaient pas de tout, attention. Hein. Ceux qui ont vraiment la tête perdue, mais suffisamment pour accorder. Pour avoir des flashs. Oui, exactement. Et du coup, vouloir encore être avec nous, par exemple. Ok, parce que lorsqu'ils ont ces flashs-là, c'est un flash qui est positif pour eux. Il n'y a rien de négatif dans ce flash-là. C'est pas quelque chose qui... Hein, est-ce que tu comprends? C'est un flash qui ils se disent « Oh oui, je me souviens pas quoi, mais c'était plaisant. » Oui, c'est ça, c'est ouais, ça. C'est un flash positif. Ouais. Et ça, si tu veux, ça fait une vraie histoire. Hein. Ça m'avait étonné, parce que j'y allais un peu à l'aventure, je ne savais pas du tout ce que ça allait faire. Mais c'était un projet que tu caressais depuis des années. Oui, toujours, de toute façon, oui, avec les vieux, j'ai toujours eu un rapport avec les vieux. J'avais à un moment donné une troupe amateur aussi, où j'avais fait se rencontrer des jeunes et des vieux. Ah ouais. Mais c'était des vieux valides, si tu veux, qui étaient chez eux. Mais une très vieille dame qui n'était pas tellement valide, et une aussi qui boitait beaucoup, mais des gens qui ont encore leur autonomie. Et leur taille. Non, c'est... Je suis un peu fasciné. Ben, attends, je suis fasciné par la mort, tu sais, donc... Enfin, je suis pas fasciné, je fais pas une culture de ça, tu vois. Ça, sûrement. Non. Mais il faut que je comprenne... Il faut que je sache pourquoi on parle toute notre vie avant la mort. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que je... Parce que c'est... Je pense que tout ce qui est maintenant, comme j'écris de plus en plus, je m'aperçois que quand tu écris, tu ne fais que t'approcher, si tu veux, de quelque chose que tu ne comprends pas. Et ce que tu ne comprends pas, c'est la mort. Parce qu'elle est absolument incompréhensible, non racontée, absurde, ou logique dans un cycle de vivant, mais elle ne peut pas nous appartenir. Donc il y a un perpétuel, peut-être, je ne sais pas, déséquilibre qui fait qu'on a envie de comprendre. L'envie de comprendre naît d'un déséquilibre. C'est quelque chose qui n'est pas résolu. Et du coup, ça, c'est des moteurs d'écriture, ça. Mais la scène de théâtre, c'est la même chose. C'est une scène de fantôme. Hein. Le défi, c'est d'être vivant dans cet espace-là. c'est la même chose. Et c'est un vivant improbable, parce qu'à tout moment, tu peux disparaître. Et c'est cette espèce de à la fois de très forte présence et en même temps de disparition qui fait la magie des mots, de l'écriture, du théâtre. Donc c'est pour ça que c'est difficile quand tu as commencé à baigner peut-être dans ces mondes-là. Tu vois, de t'en détacher ou tu vois... Bon après, ma dernière pièce, je l'ai écrite sur des... Quatre jeunes, hein, quatre ados. Parce que tu voulais te reculer un peu des personnes plus âgées. Oui, je pense que quand même je... Tu avais fait le tour. J'avais fait un peu le tour, oui, tu vois, j'ai... Nous étions trois, je commence par moi. Moi que l'on traite de poète, car je fais des vers un hiverné. Très raffiné, surnommé Oxébet, les têtes de Nevers, j'ai tout dit sauf le philosophe. Je vous présente trois dilettantes et je vous dis nous, moi, le philosophe. Et l'esthète est mon qu'une présentation. Soit sans façon, c'était l'été, et tel été. Notre soif que tout ce qui est à que même un piano aurait été par nous tété. Avec félicité, si licite c'eût été même illégal, quelle ville régale, nous eussions fait d'un jus de fluxion frais. Et je vous dis nous, moi, le philosophe, et l'esthète mon qu'une soif à ce point. Ça ne se passe point, mais blati pas, là a du pas. Je vois des murmures sur un mur, et je murmure ami osé, ami osé. En poussant par en dessous mes souliers souillés, quand je suis sur le fait, une Suisse helvète me dit sache que cette chose ça s'achète. Mais je lui dis nous, moi, le philosophe, et l'esthète mon qu'une phase de fesse se passe de pèse, elle se fâche, et là c'est vache. Sous le séanment, là sans salement, à le sale moment, elle me bascule et m'émascule. Qu'elle s'en compère, disent mes compères. L'ampoule de père, elle les repousse pour lier ma bourse d'un fil à plomb. À quelle ville à plomb? Mais je lui dis, nous, moi, le philosophe, et l'esthète manque une fausse asepsis face à ses petits bobos. La création n'était pas complètement terminée. Non, je pensais que c'était le tien. Mais non, tu as ton propre verre d'eau. Je pensais que je prenais ton verre d'eau. Désolé, c'est ça que j'ai regardé, oui. Donc, là, c'est quatre jeunes. Ouais, quatre ados. Mais ceci dit, ça s'appelle « La vérité se fait la malle ». Et ça parle du mensonge qui tourne autour d'une mort qui n'était pas annoncée. Donc, si tu veux, je change de piste, mais... On tourne autour de la mort. Ouais. Oui. Et surtout, c'est une mort qui n'était pas annoncée, comme tu dis. C'est pas une mort naturelle, en voulant dire que c'est, ils n'auront pas vécu une vie entière avant de se rendre à la mort. C'est ça, c'est les ados qui vont mourir ou des ados? Non, non, non. Ils parlent de... C'est quatre filles ou des personnages non genrés. Enfin, tu sais, moi, je suis pas très... ça parle au féminin. Parce que sur ça, c'est embrouillé dans ma tête, j'arrive pas. Donc, mais si tu veux, c'est des jeunes qui normalement ont 13 ans et ils parlent du monde au départ, tu vois. C'est une discussion comme ça, un peu à bâton rompu, un peu agité. Et puis à un moment donné, il y en a une qui dit elle voit des morts, tu vois, dans son téléphone, etc. Les autres lui disent c'est quoi cette histoire, etc. Et puis il y en a une qui va pas bien du tout parce qu'elle a une tumeur au cerveau. Donc si tu veux, c'est quand même un climat un peu tendu entre elles, de se demander pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles vont faire de leur vie et tout. Et il y en a une qui commence à dire si on joue à la petite fille. Donc elle bascule dans la petite fille et c'est là où il y en a une qui commence à raconter son secret, que son père est décédé quand elle était petite fille et qu'elle n'a pas... on lui a menti autour de ça. Okay. Voilà. Donc c'est en plusieurs épaisseurs. Et du coup, elle décide pour que quand même ce soit un peu fun, de fêter Halloween comme ça, donc avec ce qu'elles sont. Donc elles imaginent une mise en scène de tout ça. Et c'est qui joue les adolescents? Je sais pas. Pour l'instant, c'est le texte est là et j'ai pas encore pensé mise en scène et distribution. Mais veux-tu que ce soit des adolescentes ou des comédiennes dangereuses? Alors j'ai déjà expérimenté deux choses. Parce que le texte a beaucoup plu là, à la Chartreuse, tu vois, avec là où je vais souvent écrire. Ouais. Et donc il a été lu là-bas par quatre comédiennes professionnelles. Assez jeune, mais pas tant si jeune que ça. C'est assez puissant quand même. Quand tu as quelqu'un qui a le métier de savoir comment tu es traversé par le texte, c'est puissant. Ça t'a surpris? Ah ben j'étais bouleversé moi. C'était la première fois que j'entendais un de mes textes comme ça, tu vois. Et parce qu'avant, je l'avais mis en lecture aussi avec des jeunes de conservatoire, qui elles avaient 15-16 ans. Où là, c'était très sensible. Très délicat, tu vois. On entendait très bien l'écriture. Tu vois, c'était pas mauvais du tout, mais ça ne donne pas la puissance. C'était trop narratif. Il n'y a pas la... Si tu veux, moi, je parle quand même de quelque chose... Il y a une épaisseur de violence du monde derrière. Il y a une épaisseur de potentiel rire et... Enfin, c'est très chargé, en général, ce que j'écris. Ou toi. Et donc on était dans le sourire, on allait à l'autre, c'était un moment très sympathique, on allait à cette parole là avec le sourire, mais il y a quelque chose qui est plus violent derrière, donc il faut quand même s'en occuper normalement, tu vois, sur scène. Et du coup, demander ça à des très jeunes, c'est peut-être pas... Enfin, mais elles étaient passionnées par le texte. Hein. J'ai fait lire aussi à quelques... Quand j'étais sur mon chemin d'écriture, j'ai fait lire une mouture à deux jeunes de 20 ans, tu vois, qui aiment beaucoup, beaucoup. Donc je pense que c'est bien en relation avec l'angoisse du monde que les jeunes traversent. Et ça leur plaît comment c'est écrit. Tu vois, ils disent pas c'est quoi cette langue? Mais je pense que quand même pour représenter ça, il faut qu'il y ait un métier dans le corps quand même, une énergie, qu'on puisse appuyer fort, tu vois, quelque chose de puissant. Moi j'ai besoin de puissance. Je crois pas du tout au théâtre documentaire. Si, je trouve ça très plaisant. Tu vois, je sais pas que j'aime pas, hein. Mais pour moi, peut faire mieux, tu vois. C'est-à-dire que notre humain, il est beaucoup moins abordable que ça. Beaucoup plus grossier, malpropre, excessif, contradictoire, violent, cruel, désespéré, joyeux, fêtard. Et tu vois, le fait d'être obligé de rester enfermé, toi qui es... Moi je me suis pas enfermé. Qu'est-ce que tu as fait? Me promener, moi. As-tu eu des contraventions? Non, mais j'avais trouvé des histoires que je pouvais raconter. Je détournais la règle, voilà. Donc je me faisais des promenades énormes, de 2 heures et demie par jour, plus les courses. Donc, j'allais... Parce que mon compte... Alors, t'as jamais autant marché? Oui, exact. Et je revisitais Paris. Je suis allé de l'autre côté, j'adorais ça. Tu t'es jamais fait arrêter? Alors, une première fois, le premier jour où je sors, j'étais fasciné. On était enfermé, je pouvais sortir. Il n'y a pas de grille sur ma porte. Donc, me voilà dans la rue. Et là, je regarde... Enfin, toi, c'est fascinant. Hein. C'est fou, oui. C'était fascinant. Il faisait très beau, en plus. J'ai mon iPhone avec moi, donc je vois un chantier immobile arrêté comme ça. Donc je traverse la rue, il n'y a pas de voiture, donc tu traverses. Il n'y a rien. T'arrives, et alors tu sais, c'est des grillages. Alors je je pose mon iPhone comme ça dans le, pour pas voir le grillage, toi, ouais. pour que la cellule soit là, comme ça. Et je commence toi, à cadrer, je trouve ça. Assez... Et on me tape sur l'épaule. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je dis, je prends des photos. Quatre flics, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez votre autorisation? Alors, moi, c'est la première fois que je l'ai repris, celle, tu sais, les autorisations papier. Alors, j'avais rempli au crayon pour pouvoir justement effacer pas. Etc. Ils me disent, non, c'est pas possible ça au crayon. Et je dis pourquoi? Ah non, au bic. Et là, il me passe le bic. Je lui dis, vous savez, ça c'est pas bon du tout, hein. Votre bic. Parce que c'est vous qui le touchez. Oui. Après, ils se sont tus. Donc j'ai rempli. Ça, c'était la première fois. Mais tu remplis quoi? Une autorisation de sortie. Tu t'autorises oui, à sortir? Oui. C'est pas un employeur qui te dit, non. Elle peut. Non. Alors moi, si tu veux, comme je suis, j'ai mon employeur intégré, moi, si tu veux. Hein. Donc je pouvais faire une sortie de travail. Je pouvais faire une sortie pour faire les courses. Je pouvais faire une sortie. Et alors, quand j'allais loin, j'avais décidé. Il y avait le métro circulé encore un peu. Okay. Mais moi, je ne voulais pas prendre le métro. Okay. Donc, je voulais marcher. Ah ouais. Et Eric. Donc. Et donc. Comme tu veux. Ouais. Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi je veux jouer de l'hélican. Pou, pou, pou, pou. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélican. Pou, pou, pou, pou. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompante. Lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Mon fils, tu es bien polisson. De te moquer de la femme trompe. La femme trompe qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Laissons donc cette femme trompe. Qui a pourtant un beau tuba et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois, pas du hautbois, de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Eh bien, y a ton ami Ellie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Ah, tu m'énerves, ah, ça n'est trop. Tiens, pam, pam, pam, boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coups de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Con. Donc, j'allais très loin. Et donc, je sortais de mon périmètre. À un moment donné, on a eu un périmètre. On a eu plein de trucs différents. Donc, on avait un périmètre, on n'avait pas le droit d'aller loin. Je me disais, et j'avais vu qu'il y avait des clauses. Comme quoi, je pouvais aller rendre une visite à quelqu'un nécessiteux. Alors, donc à chaque fois, je changeais de parcours, changeais d'adresse. Ouais. Là, c'était une vieille dame que j'allais voir toujours. Et elle avait besoin de médicaments, elle ne voulait absolument pas aller à la pharmacie, elle ne voulait plus sortir. Moi, j'allais lui acheter ses médicaments. Et moi, je ne veux pas prendre les transports en commun, monsieur l'agent. Donc, j'y vais à pied. Voilà. Parce que comme ça, je rencontre personne. C'est beaucoup plus sécurité, monsieur. Je n'ai jamais été contrôlé. Mais c'était désertique, c'était la fin du monde. Non, j'ai juste quelques amis, ouais. Tra parenthesi, qui m'ont dit « Marido, je postais mes photos de Paris. Tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu incites à la désobéissance. » Je dis « Écoute, tu te rends pas compte avec l'aura que tu as, tout le monde. Je dis, écoute, depuis le temps que je fais des choses, c'est très bien que tout le monde ne fait pas pareil. Hein. Donc ça, c'est réglé, c'est plié. C'est pas parce que je fais un truc que les autres le font. Ah oui. Et ça a été plié. Et les gens se sont mis dans des bastions tout de suite de petites guéguerres. Mais moi, je m'en fichais. Et donc après, J'ai fait mon petit feuilleton justement avec l'écriture de J'ai un vieux. Je me faisais un truc, un rendez-vous, tu vois, Facebook tous les deux jours, je crois. Tous les jours pairs. Je sais plus ce que je fais. Je traquais comme si j'allais jouer dans un grand théâtre, je sais pas où. Impressionnant. C'est un rendez-vous qui devenait important. J'avais l'impression de... Parce qu'il fallait que je lance la caméra. J'avais l'impression que je ne savais pas ce que je faisais. Je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et puis, et ouais, donc c'était un truc assez rigolo. Et après, j'ai organisé aussi, parce que comme je ne pouvais pas me mettre vraiment en répétition ni quoi, j'ai organisé aussi un espèce de tournage. Et j'ai fait comme ça, je suis passé par, dans l'écriture de J'ai un vieux. Voilà, on a toi, on a... J'ai fait quelques séquences comme ça. Pour toujours être relié, peut-être, tu vois. Et je ne voulais pas me relier trop à l'actualité. Tu sais, moi, je me méfie de ces flux nocifs, je pense. C'est pas que je veux pas avoir une conscience du monde ou quoi, mais ça va, je pense que j'ai ma dose. Et moi, dans ces cas-là, comme ça me fait pareil qu'avec le 13 novembre, tu sais, avec le Bataclan, je dis, moi, c'est pas les infos qui vont me donner les clés, c'est les poètes. Donc, tu vois, je me replonge dans la lecture, dans les mots, dans ce que j'ai à voir, moi, là où je suis, la ville. Là, j'étais en ville, hein, moi, j'étais en Paris. Voilà, je profite de là où je suis. Je fais des choses concrètes. Et je m'accorde au monde, et après, il sera toujours temps de faire des choses. De se demander ce qu'on a à dire à l'autre, ou à soi-même. Et as-tu réfléchi sur ce phénomène-là, de comment une société pouvait se faire empêcher de vivre pendant 2 ans? As-tu réfléchi là-dessus? Comment un gouvernement peut contrôler le genre humain? Ah oui, oui. Si tu veux, c'est toutes les situations d'enfermement, c'est ça. C'est affilié à toutes les situations d'enfermement. On enferme régulièrement les humains, depuis l'histoire de l'humanité, quand on ne sait pas quoi en faire. Tu sais, j'avais monté un texte aussi qui s'appelait les folles d'enfer de la Salpêtrière. C'est toutes les femmes au 19e siècle, début 20e, qui étaient enfermées dans cet hôpital. À peine elles faisaient un acte répréhensible, hop, tu vois. Espèce de prison-hôpital. Il y a énormément d'archives sur ça, c'est très très impressionnant parce que tu décides de ce qui est nocif pour une société et tu enfermes. C'est de cet ordre-là. Pour moi, c'est pas du tout un truc légitime en soi. Alors moi, pour moi, si tu veux, cette période-là, vraiment... comment dire Je pense qu'il y a une confusion entre le sanitaire et le sécuritaire, ça c'est clair. Moi je dis, s'il y a des gens malades, on les soigne. Point. Point à la ligne. Regarde, tu peux pas imaginer qu'on ne se rencontre pas pour soigner. C'est impossible. D'ailleurs, ça l'a prouvé, on peut pas. Je comprends qu'il y ait des gens très faibles. Je comprends qu'il y ait des gens... Mais ce qu'on a fait avec les vieux, justement, à cette période-là, de ne pas leur rendre visite, c'est des crimes, tu vois, enfin, c'est horrible. Ils sont pas à une semaine près, s'ils doivent mourir, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends, c'est pas... C'est n'importe quoi. Et surtout les gens qui sont morts seuls, c'est horrible. Et les familles, enfin... Moi, mes parents sont assez âgés, mais ils vivent chez eux. Et je suis allé les voir après ces périodes-là, un an et quelques après. Et c'était encore le moment où on devait être masqué, etc., etc. Et là, mon père est très drôle. Je rentre avec le masque chez eux. Je ne savais pas, j'ai demandé à mes sœurs, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je suis désobéissante. Donc, c'est pas moi qui... Qui va faire les règles. Tu vois, c'est le vivant doit l'emporter. C'est lui qui doit se battre. Et je sais que c'est pas gagné tout le temps. Alors bref. Mais je ne sais pas que je veux non plus me comporter mal, toi, avec mes parents, par exemple. Ouais. Donc, chez eux, je rentre avec le masque. Je dit... On garde le masque, papa Ah non, pas en famille. Ah, et voilà. Et voilà. La clé, c'est ça. C'est ça. Et ça, tu peux pas. Ouais. C'est pas des règles, ça. Ouais. En plus, mes parents sont sourds. Donc j'avais dit à Tommaso, on va garder les distances, puisque ils veulent pas que le masque. Ouais. Ce que je comprenais très bien. Ouais. Mais non, comme ils sont sourds, ils se rapprochent. Ouais. Alors il n'y a rien qui fonctionnait selon les normes gouvernementales. En même temps, c'est. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un beau pied de nez. Mais oui, c'est la vie, quoi. C'est, je veux dire, à un moment donné, heureusement que c'est irrépressible de prendre quelqu'un dans les bras. Heureusement. Ouais. Si ça ne l'est plus, c'est ça qui est grave, ouais. Pour moi. Ce qui était dur aussi, c'est de plus se toucher. Oui, oui, oui. Et c'est. Psychologiquement, c'est même philosophiquement, c'est. Il faudrait y réfléchir. Ah oui, oui, c'est terrible, terrible, terrible, terrible. C'était George Orwell, on était en plein 1984. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ça a abîmé hein, beaucoup de gens. Hein. Ça a abîmé beaucoup de gens. Ouais. Mais moi, j'ai continué de voir des gens, d'inviter en. Enfin, toi, j'ai. C'est les gens qui voulaient pas. Ah ouais, mais ils se sont fait endoctriner par les médias. Tu vois ? Moi, je disais, mais attends, les gens de mon quartier, je disais, mais attends, quand même, on peut faire un apéro. Moi, tu sais. Ouais. Oh non, Marido, peut-être pas. Alors, ouais, parce que c'était les médias. Alors, moi, si tu veux, j'étais un peu triste parce que si tu veux, c'était tous les autres qui n'arrivaient pas à se libérer suffisamment vite, d'après moi. Non, mais ça a abîmé pas mal de personnes. Moi, je vois des gens. Il y a eu plein d'incompréhensions profondes. Des remises en question. Ouais. Beaucoup de remises si, en question. Si, c'est... Et le... Ouais. Parce que si tu veux, le... Si tu soignes les gens, tu les soignes, tu t'occupes de les soigner. Nous, on est ici, tu sais, peut-être, tu dois voir les... On a d'un côté dit qu'il fallait, pour se soigner, donc s'enfermer, patati patata. Et de l'autre côté, on a continué de retirer des lits d'hôpitaux. Désolé. Tu vois, c'est pas possible de faire les deux en disant que les deux sont le même... Tu vois. What time is it ? Quelle heure est-il ? 2h-2 ? Quelle heure est-il ? What time is it ? 2h-2 ? De 2 moins 2 à 2h02, voyons ce qui se passe. Consacrons-y notre classe. From tout, de 2h moins 2 à 2h02. Daddy on his bike, he's riding to town. Papa à vélo, se rend à la ville. From tout, de 2h moins 2 à 2h02. My sister is swimming across the pool. Ma sœur en nageant traverse la piscine. From tout, de 2h moins 2 à 2h02. Granny is in bed eating her pudding. Grand-mère est au lit en mangeant son pudding. From tout, de 2h moins 2 à 2h02. Dreaming Uncle John is putting the dog. Rêveur Oncle John caresse le chien. Et maintenant vous possédez tout un vocabulaire. Vous pouvez grâce à tous ces mots tenir conversation. Vous mélangez formant des phrases de mille manières, mille significations. The dog is swimming, he's swimming to town. Le chien nage jusqu'à la ville, possible. Grand-mère à vélo traverse la piscine, toujours possible. My sister in bed, she hates Uncle John. Ma sœur est au lit, elle mange Uncle John. Hey. Daddy is dreaming, he pets his pudding. Papa en rêvant caresse son pudding. Ah. Donc, moi j'aurais amplifié tout. J'aurais formé des gens à toute vitesse. Comme... Je dis, mais alors si tant est que, parce qu'eux ils utilisaient le mot guerre, je dis, si tant est qu'on est en guerre, quand on est en guerre, on est capable de faire un hôpital volant à toute vitesse. on embauche sur le coup des gens comme ça, des bénévoles, on leur dit hop, tu portes le masque, regarde, je t'explique comment tu fais une piqûre, tu la fais comme ça. Et en 2 minutes, ils deviennent infirmiers, d'accord? Et là, non, là on fait pas ça. Et enfin, tu comprends, c'était... Donc moi je trouvais aucune logique au truc, je ne trouvais rien de logique. Donc pour moi c'était un truc absurde. Donc sans raison, sans sens, donc moi je ne peux pas obéir à quelque chose qui n'a pas de sens. Enfin, si on me dit je traverse là alors que je vois qu'il y a du danger, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis mais non, désolé, tu te trompes. Moi je fais pas ça, moi je fais comme ça. Pour moi c'était ça, si tu veux. Mais nous on s'est. J'ai fait. Avec la compagnie, donc tu vois, j'ai des gens avec qui je bosse. On a la petite boutique qui est à la porte de Vanves qui accueille les habitants. On a. J'ai fermé la boutique. Ça, je pouvais pas la garder ouverte. Ça, c'était pas possible. C'était pas essentiel, ça. C'est fou, ouais. Non, mais c'est fou, la ferme. Ah, bah ça, oui, la langue, hein. Ouais. Tu sais, on l'utilise comme on veut. Essentiel. Hein. Putain. Essentiel. Comme si ici, c'était essentiel. Un café était essentiel. Bah, c'est sûr. Ah non, mais c'était c'est là où tu vois les valeurs qu'il y a derrière, ouais, ouais, ouais, ouais. La hiérarchie qu'il y a, ouais. Impressionnant. Hein. Ouais. Et si tu veux, et donc on a fait aussi du télétravail, enfin on faisait des visios ensemble pour se parler. Vous n'étiez pas en présentiel, vous n'étiez pas en présentiel. Pas au début, non. Non. Mais je crois que, oui, donc on a transféré des ordis, enfin bon, on a fait tout un petit bazar. Et dans cette période-là, j'ai mis une des personnes qui normalement était sur la médiation, le quartier, etc., à mi-temps, tu vois, parce qu'il y avait et mi-temps, tu sais, l'État a donné des sous. Oui. Donc, il perdait un tout petit peu de salaire, mais vraiment pas beaucoup, tu vois. Et de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de travail. Et là, il a accepté les premiers temps, et après, il a commencé à péter un câble. Comme quoi, il fallait qu'il soit à plein temps. Je dis, mais non, mais il n'y a pas de travail, Thierry, il n'y a pas de travail. Si, tu ne te rends pas compte, comme je travaille et tout. Bon, donc là, si tu veux, et l'autre, il est au loin. Donc, donc voilà, aussi, quand tu ne peux pas t'accorder à l'autre vraiment, mais en profondeur, avec... En fait, donc, être avec l'autre, c'est plein de choses, c'est pas juste des petits messages. Il faut sentir les énergies, on s'accorde à ça. On est comme des... On est des animaux, tu vois, on a besoin d'être dans des espaces pour comprendre qui on est, comment on fait aussi, tu vois. Enfin bon, donc tout n'a pas été forcément drôle, tu vois, à vivre. Mais c'est surtout la violence du monde, elle est terrible, mais bon, elle continue. As-tu été surpris par la soumission du peuple? Ah oui, moi, c'est horrible pour moi. C'est épouvantable. Est-ce que ça donne au gouvernement peut-être un petit éclairage pour les années à venir? Comme il voit très bien que... Oui, il teste. Ouais, moi, je pense exactement... que... Si tu veux, alors, bien sûr que... Je pense que c'est pas que... Moi, je suis pas complotiste, tu vois. À aucun moment donné, je pense qu'ils ont prévu d'envoyer le virus. Je sais pas. Non, là, stop. C'est plié. Par contre, ils s'en servent. Ouais. Eh oui. Ils s'en servent, tu vois, très clairement. Ouais. Moi, je pense quand même. Parce que l'idéologie qui est derrière, elle est violente. Elle est très, très, très, très violente. Et les gens perçoivent leur angoisse, mais pas la violence. Ils ne nomment pas tellement cette violence. Mais elle est terrible. Elle est vraiment. Elle élimine une partie de l'humanité dans la tête, très clairement. Donc oui, c'est violent. C'est très violent. Mais où étaient les anarchistes pour... où étaient les anarchistes? On les a tués, on les a baïonnés, on les a embarrés? Alors, tu sais, il y a eu beaucoup... Par exemple, nous, ce qui a eu un truc, c'est... Tout d'un coup, les endroits où les gens se regroupent forcément ont été complètement éclatés. Et il y a eu un truc entre les grandes villes et les campagnes, tu vois. ce que je vois avec des tas de jeunes que je connais, des artistes qui sont dans la lignée anarchiste de base, si tu veux. Ils ont été, tu vois, ils se mettent en campagne. Ils font des petits groupes, des petits, tu vois. Mais c'est tout petit à l'oreille, tu vois. T'entends pas quelque chose dénoncé clairement, tu vois. Mais ça essaime des choses. Moi, je pense que ça essaime. Mais à leur mesure. Oui. Pero que no, no, papagay, no. La banana, na, na, se baila. Como si bailaban dos frutos, una nana y una banana. Oh, la, la, la banana, na, na. Cuando la quiere bailar, invita a su la, pero si su na na no quiere bailar, no ganan con otra nana y bailan como si eran una nana y una banana, porque la pero que no, no, pa, papagay, no. La banana, na, na, se baila como si bailaban dos frutos, una nana y una banana. Oh, la, la, la banana, na, na, la banana. Si tu lo das la banana, na, na, fu muy santé. La banana, na, na, si tu lo das, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Si hasta de se llama la banana, na, na, allez santé. La banana. Crois-tu que avec ce qu'on a passé, il y a un peu plus d'anarchistes? Est-ce que ça a ouvert un peu l'esprit anarchiste? Bon, après, il y a une forme peut-être d'anarchisme de ce qu'on appelle de droite, très violent, de destruction. Oui. Tu vois, jusqu'au boutiste, tu vois ce que je veux dire. S'il faut que ça pète, c'est nous qui allons faire péter toute oui. Cette lignée-là de pensée. Je pense que oui, ça monte dans les cerveaux. Je vois des jeunes, par exemple, moi, ça m'était terrorisé. Une chose qui m'a terrorisé récemment, c'est pas anarchiste, hein, ce que je vais dire, mais c'est terrible. Ouais. Moi, j'ai deux fils, tu sais, ils sont jeunes adultes, ils ont des amis, etc. Et là, ils retrouvent ils ont été à un mariage, tu vois. Et là, les amis de leurs amis, certains se déclarent nazis. Et c'est des jeunes, pas qui ont subi des violences, toi, on vous a dit, c'est tête brûlée, toi, armée, toi, tout ça. Par exemple, non, pas ça. Non, non, au contraire, c'est retrouver les vraies valeurs. Et là, ça fait froid dans le dos. Parce que c'est, tu vois, c'est plus, je sais pas où, dans l'histoire, où c'est quelqu'un que a rencontré mon fils à un mariage. Et déjà ça dans ma tête, moi ça fait vous, tu vois. Voilà, ça, tu vois, il va y avoir des choix radicaux là, du coup. Les gens vont être assez intraitables les uns avec les autres. On a construit des bastions et ça va se renforcer. Et ça c'est terrible. Moi je pense plus à des bastions comme ça de durcissement. Et de repli identitaire, très fort qu'un mouvement anarchiste qui arriverait. Parce qu'on peut, parler aussi d'une forme d'anarchisme positif. Poussif. Positive. Positive, ah oui. Ben oui. Non pas dans la destruction, mais dans la réflexion et dans l'intellectualisation. De... Ben, il y a toujours, tu veux, ces gens-là, ils doivent continuer de penser. Il y a toujours des gens qui pensent et qui se battent avec ça. Le problème est de retrouver le... Après, si tu veux, qu'est-ce que j'ai... Je pense que pour construire une pensée maintenant politique, en sortant du schéma qui nous est imposé là en ce moment, il faut vraiment que l'axe politique se situe un peu... Il y a quelque chose qui doit se désaxer, tu vois. C'est-à-dire que le rapport au travail a énormément changé. Le rapport à ce qu'on appelle la richesse, la pauvreté, il y a des choses qui ont profondément changé aussi. C'est-à-dire que des gens accèdent à des choses, tu vois, qui sont communes à tout le monde, en même temps tu peux ne pas manger. Il y a quand même des... Tu vois, c'est pas tout à fait la même réflexion. Ce qui peut recréer peut-être un mouvement de pensée, je pense, moi, que c'est l'histoire de la planète, sincèrement. C'est cet axe-là qui peut devenir une utopie. Ça, c'est la seule utopie possible pour moi, de reparler de cette planète et de se dire que on va se battre pour elle et du coup pour nous. Voilà. Je vois pas d'autres axes. Parce que du coup, ça nous fait aussi nous mettre d'accord avec ceux qui ont des richesses, je sais pas, en Afrique. Ça nous fait mettre d'accord avec une île qui va être engloutie. Ça nous fait nous mettre d'accord avec la survie et de manger dans tel pays ou tel pays. Je vois que ça, moi. Pour moi, c'est ça l'utopie. Et donc, c'est dans ce sens-là, si tu veux, c'est pas juste, tu vois, des utopies locales. Il y a beaucoup de petites choses locales, mais il faut se raccorder. Le monde, il est à notre porte tout le temps. Hein. Tu vois, c'est pas... Même s'ils veulent fermer les frontières, ceux qui terrorisent l'humanité, si tu veux, qui décident de... C'est pas pour ça que nous, on n'a pas cette idée de tous les peuples ensemble. Moi, je vois ça. Du bobo Léon, il porte un bandeau Léon, il a du bobo Léon, au pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom, je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon, il va peut-être canner Léon, il a du bobo Léon, au pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.